fait la puce. Et je vois plus d'adjus et de vin. J'ai une galère plus dans la tête. Posé devant le bar à Sylvain. Ah, ceux qui n'y ont jamais cru. Faut tirer mon chapeau, c'est grâce à vous. Maintenant j'ai tout à fouetter. Je ne connais plus les gardes à vue. Ah, ouais, moi. Je voulais chez toi tard le soir. C'était fuck l'école et devoirs. C'était pour les vrais comme Big Mac. On se sait, quelle histoire. Ma vie a changé depuis l'abreuvoir. Tu perds tes couilles, tu gagnes pas le pouvoir. J'ai appris à donner sans recevoir. Allô mon frère, ce soir je suis nostalgique. Je repense à l'époque sans souci, sans trafic. On prenait des risques inconsciemment. Quand je regarde nos photos, je repense au bon moment. Les petits bandits ont grandi. Très jeunes ont pensé à se refaire. T'as fait ou gérer les affaires. Moi j'ai choisi la musique. Voilà que ça m'a sauvé. Peut-être que je me serais fait arroser. Vendeur de rêve venait me causer. Aucun contrat à proposer. On a fini par le faire. On a fini par le faire. Et la marche arrière à vie, elle est cassée. Je me balade sur Paname, en Panamera. Seul à bord, accompagné de mes problèmes. Rempli d'ennuis et de fierté, je crois que le leur a déserté. Ils te donneront pour du papier, sans hésiter. Chaque jour ça se répète, téléphone sur écoute, ils sont remplis de haine. Moi j'en ai rien à foutre, tu connais lui, ça c'est ta vie. Ils font les pirates mais ils quittent le navire. Quand ça devient chaud, oh, ton meilleur ami donne le go. Oh, oh. Allô mon frère, ce soir je suis nostalgique. Je repense à l'époque sans souci, sans trafic. On prenait des risques inconsciemment. Quand je regarde nos photos, je repense au bon moment. Les petits bandits ont grandi. Très jeunes ont